السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal l'étude et la lecture de l'épître Les Trois Fondements. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. L'auteur du livre رحمه الله تعالى a dit: après cela, il lui a été ordonné d'immigrer vers Médine. Après avoir prêché et appelé les gens à Allah Azza wa Jal pendant 13 années, après le voyage nocturne et l'ascension, Allah Azza wa Jal ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer à Médine. Ceci après que les Mécois accrurent leur mal sur les musulmans. À cette époque, les musulmans étaient persécutés. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir les différentes tribus arabes pendant les périodes du pèlerinage pour leur exposer la religion de vérité qui est d'adorer Allah Azza wa Jal seul. De même, pour rechercher parmi ces différentes tribus du renfort pour qu'ils puissent transmettre le message de son Seigneur. Ces différentes tribus refusèrent tous jusqu'à ce qu'il arrivât à un groupe venu de Médine. Il y avait parmi ces gens, parmi ce groupe, il y avait 6 hommes de la tribu de Khazraj. Ils acceptèrent l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce groupe, lors de leur retour à Médine, appela leur peuple à Allah Azza wa Jal. L'année qui a suivi cela, 10 hommes de cette tribu et 2 hommes de la tribu de Al-Aus vinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut le premier pacte d'allégeance de Al-Aqaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya avec ce groupe de personnes à Médine Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu pour qu'il leur apprenne la religion. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, l'islam pénétra dans chaque demeure des habitants de Médine. L'année d'après, un groupe de 73 hommes et de 2 femmes vinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y eut à ce moment-là le deuxième pacte d'allégeance d'Al-Aqaba. Ils prêtèrent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il le soutiendrait, qu'il lui porterait secours et qu'il le défendrait. À ce moment, Allah Azza wa Jal donna l'ordre d'immigrer à Médine. Lorsque les polythéistes s'aperçurent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trouvé des alliés et que les compagnons avaient trouvé une terre pour émigrer et être en sécurité, ils se regroupèrent et complotèrent dans le but de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui attendait l'autorisation de la part d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir émigrer, alla informer Abu Bakr qu'il avait reçu l'autorisation d'émigrer. Abu Bakr radiallahu anhu lui demanda la permission d'être son compagnon de voyage. Le prophète accepta. Ils sortirent de nuit jusqu'à arriver à la grotte de la montagne de Thawr. Les deux passèrent 3 nuits. Les polythéistes qui avaient appris la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr radiallahu anhu se mirent à les rechercher jusqu'à offrir une récompense à celui qui retrouverait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces polythéistes arrivèrent à cette grotte où étaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu rapporte: je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment: il suffit que l'un d'eux regarde en dessous de lui pour nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à Abu Bakr: ne sois pas triste, ne sois pas inquiet, car Allah est avec nous. Que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? Allah Azza wa Jal dit à cet effet dans Sourate At-Tawba verset 40: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Quand ils étaient dans la grotte et qu'ils disaient à son compagnon: ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. Après le départ des polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortirent de la grotte et prirent la direction de Médine. Les habitants de Médine attendaient avec impatience sa venue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arriva à Médine, les habitants de Médine furent très heureux, joyeux. Ils sortirent à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adultes, enfants, domestiques, tous sortirent dans les rues à son encontre. Les gens se disputaient les rênes de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car chacun voulait qu'il soit son invité, son hôte. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur commanda de laisser la chamelle, car elle avait reçu l'ordre de s'arrêter à l'endroit où le prophète sallallahu où il allait demeurer. Cette chamelle s'arrêta devant la demeure de Abi Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu. Par la suite, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a dit: وَالْهِجْرَةُ الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. L'auteur du livre a dit: la hijra consiste à délaisser une terre de mécréance pour se rendre en terre d'islam. La hijra est une obligation pour cette communauté de délaisser une terre de mécréance pour une terre d'islam. La hijra dans son sens linguistique veut dire le délaissement d'une chose. Dans son sens religieux, comme a dit l'auteur du livre, c'est de délaisser une terre de mécréance vers une terre d'islam. La hijra, l'égir, est obligatoire pour tout croyant qui ne peut manifester et extérioriser sa pratique religieuse en terre de mécréance. Celui qui ne peut extérioriser sa religion a alors l'obligation d'émigrer vers un pays musulman où les préceptes religieux importants sont apparents et généralisés. Ceci car l'islam d'une personne n'est pas complet si elle ne peut clairement manifester sa religion. D'ailleurs, le grand savant Muhammad Aman al-Jami, rahimahullahu ta'ala, a rapporté une parole. Il a dit: certains pieux prédécesseurs comme l'imam Malik, rahimahullah, disaient: si la personne vit dans un endroit, dans une terre, dans laquelle les pieux prédécesseurs comme les compagnons, les suiveurs sont insultés et il ne peut les empêcher, alors il lui est obligatoire d'immigrer et de sortir de cet endroit-là. Que dire alors de notre époque? Que diraient ses pieux prédécesseurs s'ils nous voyaient vivre dans ces pays? En résumé, le croyant qui est en capacité d'émigrer et qui ne peut extérioriser sa religion et ne peut accomplir les préceptes de sa religion, pour cette personne, la hijra est obligatoire. Ici se pose une question: quel est le sens de extérioriser sa religion? Le grand savant, le cheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, a dit concernant le sens de extérioriser sa religion en terre de mécréance, il dit: c'est d'appeler clairement au tawhid, de mettre en garde contre le shirk, d'ordonner le bien, de condamner le mal, d'enseigner aux gens le tawhid, de prier, de jeûner, etc. De même, le noble cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, nous dit: extérioriser sa religion en terre de mécréance et que tu appelles au tawhid à Allah, c'est-à-dire que tu appelles au tawhid, que tu appelles à Allah, et ceci clairement, que tu ordonnes le bien et que tu interdises le blâmable. Il nous dit: ce n'est pas que tu pries ou que tu jeûnes seulement, c'est que tu montres la fausseté de leur religion et que tu montres la véracité de l'islam, que tu appelles à Allah. Voilà comment on extériorise sa religion, comme les savants l'ont mentionné dans leur livre. Fin de citation. L'auteur du livre a dit ensuite: وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Il nous dit la preuve de la hijra réside dans la parole d'Allah, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant, dans quelle situation étiez-vous? Ils diront, nous étions impuissants sur terre. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà ceux dont la destination est l'enfer et quelle mauvaise destination. À l'exception des faibles, parmi les femmes, parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen. À cela, il se peut qu'Allah pardonne et Allah est clément et pardonneur. L'imam Ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit concernant ces versets, il s'agit ici d'une sévère mise en garde à ceux qui délaissent l'émigration en terre d'islam tout en ayant les moyens et la capacité de faire l'hijra. Jusqu'à ce que la mort leur vienne, les anges leur font ce reproche lorsqu'ils se saisissent de leur âme en leur disant « Où en étiez-vous » C'est-à-dire, avec quoi vous vous êtes distingués des polythéistes? Mais au contraire, vous aviez accru leur nombre et peut-être même vous les avez soutenus contre les musulmans. Dans la parole, nous étions impuissants ici-bas, répondront-ils. Il nous dit, c'est-à-dire, faibles, opprimés. Nous n'avons pas la possibilité d'émigrer. Or, ils ne sont pas sincères dans leur excuse, car Allah ne charge une âme que ce qu'elle est capable de supporter. C'est pourquoi les anges diront à ceux qui sont opprimés faussement, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour émigrer? Il s'agit ici d'une interrogation, il nous dit, il s'agit ici d'une interrogation et en même temps une attestation. C'est-à-dire qu'il est attesté chez tout à chacun que la terre d'Allah est vaste. De même, lorsqu'une personne se trouve dans un endroit où il ne peut pas manifester sa foi et sa religion, il lui convient d'émigrer dans la vaste terre d'Allah ou Azza wa Jal, là où il peut adorer Allah. Allah dit au sujet de ceux qui n'ont aucune excuse, ceux-là auront l'enfer comme refuge et quelle mauvaise destination. Il nous dit, il y a dans ce verset une preuve que l'émigration, que la hijra fait partie des plus grandes obligations, et son délaissement constitue un des plus grands péchés. Ensuite, le Très-Haut a accepté les vrais opprimés, qui n'ont pas la possibilité d'émigrer en tout point de vue. Il a dit au sujet de ces gens-là, à cela il se peut qu'Allah donne le pardon, Allah est clément et pardonneur. Il nous dit, ce noble verset prouve également que celui qui est incapable d'accomplir une obligation ou autre sera excusé. Cependant, l'homme ne sera excusé que lorsqu'il aura prodigué des efforts et qu'il n'aura trouvé aucune issue à son cas. Fin de citation de l'imam Ibn Nasir al-Sa'di. Pour que la faïda soit complète, nous allons citer la parole de l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, concernant le verset qui suit. Allah Azza wa Jal dit dans le verset qui suit, « وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort l'atteint sera récompensée, ou sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. L'imam Ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, nous dit, il y a en cela la clarification de l'avantage de l'émigration et de l'incitation à la faire. Ainsi, le véridique qui est toujours véridique dans ses promesses, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, promet ici que celui qui émigre dans sa voie pour espérer sa satisfaction trouvera une possibilité de s'installer et de vivre à l'aise. Ainsi, il jouira des avantages de la religion et de la vie d'ici-bas. En effet, beaucoup de gens pensent que l'émigration est synonyme de dispersion après habitude, de pauvreté après richesse, d'avilissement après la puissance et de gêne après l'aisance, alors que ce n'est pas le cas. Car le croyant, tant qu'il demeure au milieu des polythéistes, sa foi est au plus bas, que cela soit au niveau des adorations individuelles comme la prière et autres, ou des adorations collectives, et ce en raison de l'impossibilité pour lui d'accomplir sa religion. Bien plus que cela, il risque d'être éprouvé dans sa foi, surtout s'il fait partie des gens faibles. Alors que s'il émigre pour la cause d'Allah, il lui sera possible de mettre en pratique sa religion. En outre, il pourra obtenir une aisance dans ses biens. Il nous dit, méditons dans cette optique l'exemple des compagnons, qui après avoir émigré pour Allah et abandonné demeure, famille et biens, pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, ont vu leur foi atteindre sa perfection et ont obtenu le triomphe qui a fait d'eux des guides pour ceux qui sont venus après eux. Il en sera ainsi pour tous ceux qui suivront leur exemple jusqu'au jour de la résurrection. Fin de citation. L'auteur du livre a dit, ou l'auteur du livre rapporte un deuxième verset comme preuve de la hijra, l'émigration. Il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. Il dit, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Sourate l'araignée, verset 56. Il dit également, sababu nuzuli hadhihi al-aya fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman. La cause de la révélation de ce verset a été révélée sur les musulmans qui étaient à Mecca et qui n'ont pas émigré. Allah Azza wa Jal les a appelés par le nom de la foi. Ensuite, l'auteur du livre mentionna la preuve de la hijra tirée de la sunna. Il dit, وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُنَّةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Il a dit, la preuve de la hijra tirée de la sunna est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. En apparence, ce hadith contredit un autre hadith sur la hijra, qui est la hijrata ba'd al-fath, nulle hijra après la conquête de la Mecque. Le noble cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, nous dit, il n'y a pas de contradiction entre ces deux hadiths, car le sens du deuxième hadith, nulle hijra après la conquête de la Mecque, veut dire nulle hijra au départ de la Mecque vers Médine, car la Mecque est devenue une terre d'islam après sa conquête. Quant à la hijra d'une terre de mécréance vers une terre d'islam, elle restera et est légiférée jusqu'à la venue de l'heure. L'auteur du livre a dit ensuite, فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مِثْلِ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْأَذَانِ وَالْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. Lorsque le prophète s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques religieuses de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, la prescription du bien et l'interdiction du blâmable et les autres pratiques religieuses de l'islam. Après avoir émigré et s'être établi à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut l'ordre d'appliquer les autres préceptes de l'islam. De ce fait, la majorité des règles furent prescrites à Médine, comme la zakat, l'aumône légale. Certains savants voient qu'elle fut obligatoire à la Mecque, mais que ces détails furent prescrits à Médine en l'an 2 de l'Hégire. Le jeûne également fut prescrit en l'an 2 de l'Hégire. Quant au pèlerinage, il fut prescrit en l'an 9 de l'Hégire. L'auteur du livre a dit, أخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Il nous dit, rahimahullahu ta'ala, il persévéra dans cela pendant 10 années et mourut après cela, que les éloges d'Allah soient sur lui ainsi que son salut. Sa religion existe toujours, telle est sa religion. Sa religion existe toujours et perdurera. Telle est sa religion. Il n'est pas un bien qu'il n'ait pas indiqué à sa communauté, ni un mal contre lequel il n'ait pas mis en garde ni un mal contre lequel il n'est pas mis en garde. Le bien qu'il a enseigné, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal et tout ce qu'Allah aime et agrée. Et le mal contre lequel il a mis en garde, c'est le polythéisme et tout ce qu'Allah déteste et rejette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'égir, appela au tawhid pendant 10 années, mis en garde contre le shirk pendant 10 années et enseigna la religion aux compagnons pendant ces 10 années. Après avoir transmis le message de la meilleure des manières, après avoir été de bons conseillers envers sa communauté, les prémices de sa mort se furent ressentir dans ses paroles. Parmi les signes qui ont précédé sa mort lors du Ramadan de l'année 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 20 jours en retraite spirituelle au lieu de 10 les années précédentes. De même, lors de ce Ramadan, Jibril alayhi salam lui a exposé le Coran 2 fois au lieu de 1 fois les années précédentes. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ses adieux à Mu'adh ibn Jabal lors de son départ au Yémen, radiyallahu anhu. Il lui dit « Ô Mu'adh, il se peut que nous nous rencontrions plus après cette année. Il se peut que tu passes par ma mosquée et ma tombe. » À ce moment, Mu'adh se mit à pleurer, radiyallahu anhu. De même, lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens « Il se peut que ce soit mon dernier pèlerinage et que je ne vous rencontre plus après cette année. » Également, lors des jours de At-Tashriq à Mina, la sourate An-Nasru fut révélée. À ce moment, certains compagnons comme Abu Bakr et Abdullah ibn Abbas et autres ont su que c'était les au revoir et que la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était imminente. À la fin du mois de Safar, de la 11e année de l'Hégire, la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aggrava. Et il passa ses derniers jours dans les appartements de notre mère Aïcha avec l'approbation de toutes ses épouses. Il continua à donner ses orientations et ses directives à sa communauté. Parmi ses recommandations, il réitéra juste avant sa mort la mise en garde contre le shirk. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ceux qui vous ont précédé, prenez les tombes de leurs prophètes et de leurs saints pour lieu d'adoration. Ne prenez pas les tombes pour lieu d'adoration, je vous interdis cela. » Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « La malédiction d'Allah est sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes en adoration. Ne prenez pas ma tombe en adoration ou en lieu d'adoration. » Il dit ensuite à ses compagnons, Allah a proposé à un de ses serviteurs de faire un choix entre ce bas monde et la récompense qu'il y a auprès de lui. Ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal. Abu Bakr, radiallahu anhu, qui avait compris ces paroles, se mit à pleurer. Parmi ses recommandations aux musulmans, l'ordre de s'accrocher à la prière. Il leur dit aussi, « Je vous laisse 2 choses, vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y accrochez, le livre d'Allah et ma sunna. » Il appela ensuite sa fille Fatima, radiallahu anha. Il lui fit une confidence. Fatima se mit à pleurer. Ensuite, il lui fit une deuxième confidence. Elle se mit soudainement à sourire. Elle cacha cette confidence jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit ensuite, lorsque Aïcha lui demanda ce que le prophète lui avait dit, elle dit, « Dans la première confidence, il m'informa qu'il mourrait de cette maladie, ce qui me fit pleurer. Dans la seconde, il me confia que je serais la première personne de sa famille à le rejoindre, ce qui me fit sourire et me réjouir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela ensuite Al-Hassan et Al-Hussein, il les embrassa. Il appela ensuite ses épouses, il les exhorta et leur rappela Allahu Azza wa Jal. À la suite de cela, la maladie s'aggrava encore. À ce moment, Aïcha radiallahu anha le redressa et le fit reposer sur elle, sa tête contre sa poitrine. Il y avait à ses côtés un récipient avec de l'eau dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam trempait ses mains pour ensuite s'essuyer le visage. Et il disait « La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat » « Il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Les affres de la mort sont certes éprouvantes. » Puis son regard se figea vers le ciel et il remua ses lèvres. Aïcha radiallahu anha se pencha pour écouter ce qu'il disait. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Avec ceux qui ont été comblés de faveur, avec ceux dont tu as comblé de faveur parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et fais-moi rejoindre la compagnie élevée. » Son âme sortit à ce moment pour rejoindre la compagnie élevée. Il mourut ce jour qui fut le 12 du mois de Rabi'a, al-Awwal de l'année 11 de l'Hégire, à 63 ans. Certes, nous appartenons à Allah Azza wa Jal, et c'est vers lui que se fera le retour. Ce fut un choc terrible pour les musulmans, ils furent bouleversés de cela. Sa mort fut la plus grande catastrophe et épreuve que la communauté musulmane n'ait jamais connue. Le compagnon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, a dit « Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à Médine, toute chose s'illumina. Et le jour de sa mort, à Médine, toute chose s'assombrit. » Un récit qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Le choc fut terrible jusqu'à que certains compagnons ne voulaient pas croire en cette information. À ce moment, alors que les musulmans étaient bouleversés, choqués, Abu Bakr radiallahu anhu monta sur la chair, le minbar, pour s'exprimer. Il loua Allah, il fit ses éloges et dit cette phrase immense. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Que celui qui adorait Muhammad qu'il sache que Muhammad est mort. Et que celui qui adore Allah Azza wa Jal qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt pas. Il récita par la suite les versets de sourate Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dans le sens du verset, Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il était tué, tourneriez-vous les talons? À la suite de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut lavé avec ses vêtements, enveloppé dans son linceul. Sa tombe fut creusée par le noble compagnon Abu Talha, radiallahu anhu, à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Ensuite, les gens entrèrent par groupe pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans imam. Les premiers à prier furent les gens de sa famille, ensuite les émigrés de la Mecque, ensuite les auxiliaires de Médine, ensuite les enfants, ensuite les femmes. Puis il fut enterré. La meilleure créature mourut après qu'Allah Azza wa Jal ait parachevé par son biais la religion de l'islam. Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra à la communauté toutes les portes du bien et mit en garde contre tout mal. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ensuite, l'auteur du livre a dit وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل a rendu obligatoire son obéissance à l'ensemble des êtres responsables parmi les djinns et les humains. La preuve est la parole d'Allah, dit aux gens, ô vous les gens, je suis pour vous tous l'envoyé d'Allah. Sourate Al-A'raf, verset 158. Par son biais, Allah Azza wa Jal a parachevé sa religion. La preuve réside dans la parole d'Allah, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Sourate Al-Ma'ida, verset 3. Nous avions déjà vu dans les cours précédents l'obligation d'obéir aux messagers. L'auteur a mentionné pour cela le verset 158 de Sourate Al-A'raf. Allah a parachevé à travers le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam la religion de l'islam. La preuve de cela est le verset que l'auteur a cité. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » Ce verset fut révélé en l'an 10 de l'Hégire, à Arafat, lors du pèlerinage d'adieu, un vendredi. Et ce verset est le dernier verset révélé en ce qui concerne les règles religieuses. Le noble cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit « Il y a dans ce verset l'attestation d'Allah Azza wa Jal que cette religion est complète, dans tous ses aspects, et qu'elle renferme tout ce dont les serviteurs ont besoin dans leur vie, et qu'elle contient et qu'elle convient à toute époque et en tout lieu, et ceci jusqu'au jour dernier. » Il y a dans ce verset une réfutation contre ceux qui qualifient cette législation de manquement, parmi les athées, les pervers et autres. Il y a également une réfutation contre ceux qui prétendent que la législation islamique ne convient pas à cette époque. La personne qui tient de tels propos doit prendre garde, car ceci est de la mécréance. De même, cette personne dément par cela ce verset que nous venons de citer. Allah a complété cette religion jusqu'à l'avènement de l'heure, pour toute époque et en tout lieu, et pour toute personne jusqu'au dernier de cette communauté. Il dit également, il y a également une réfutation contre les innovateurs qui innovent dans la religion d'Allah Azza wa Jal et qui introduisent dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Ensuite, l'auteur du livre a dit « وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ » La preuve de sa mort est la parole d'Allah. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Surat Az-Zumar, versets 30 et 31. L'auteur du livre évoque dans ce point la preuve concernant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous avions déjà vu avant cela la preuve de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les paroles des compagnons. À travers la parole de sa fille Fatima, de sa femme Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans mes appartements durant mes jours, alors que sa tête était sur ma poitrine. Pour finir, le noble cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, de même, la communauté est unanime sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Personne ne contredit cela à part certains égarés parmi les déviants qui disent et qui ont une croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui ont comme croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Il nous dit cette parole est une parole qui est rejetée et fausse. Le prophète est mort auprès de ses compagnons. Il fut lavé, il fut enveloppé dans son linceul, les gens ont prié sur lui et il fut enterré. Il dit, est-ce qu'il est possible d'agir est-ce qu'il est possible d'agir ainsi avec une personne qui est vivante? Il dit également, ceci est la sunna d'Allah Azza wa Jal sur ses créatures. Où sont les messagers qui ont précédé notre prophète? Ils sont morts. Et il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Et ceci d'après le consensus des gens de la sunna. Il ne contredit cela que des gens égarés qui s'accrochent, qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui demandent le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. » Surat Ali Imran, verset 185. Et nul doute que les prophètes font partie de cette généralité. Et ceci est affirmé d'après les textes, le consensus et l'analogie juste. Dans le verset que l'auteur du livre a cité, Allah informe son prophète qu'il mourra et que les gens mourront. Fin de citation de la parole du Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته